Thérèse Raquin, chapitre 23. Peu à peu, Laurent en vint à la folie furieuse. Il résolut de chasser Camille de son lit. Il s'était d'abord couché tout habillé, puis il avait évité de toucher la peau de Thérèse. Par rage, par désespoir, il voulut enfin prendre sa femme sur sa poitrine et l'écraser plutôt que de la laisser au spectre de sa victime. Ce fut une révolte superbe de brutalité. En somme, l'espérance que les baisers de Thérèse le guériraient de ses insomnies l'avait seul amené dans la chambre de la jeune femme. Lorsqu'il s'était trouvé dans cette chambre, en maître, sa chair, déchirée par des crises plus atroces, n'avait même plus songé à tenter la guérison. Et ils étaient restés comme écrasés pendant 3 semaines, ne se rappelant pas qu'ils avaient tout fait pour posséder Thérèse, et ne pouvant la toucher sans accroître ses souffrances, maintenant qu'il la possédait. L'excès de ses angoisses le fit sortir de cet abrutissement. Dans le premier moment de stupeur, dans l'étrange accablement de la nuit de noces, il avait pu oublier les raisons qui venaient le pousser au mariage. Mais sous les coups répétés de ses mauvais rêves, une irritation sourde l'envahit, triompha de ses lâchetés et lui rendit la mémoire. Il se souvint qu'il s'était marié pour chasser ses cauchemars, en serrant sa femme étroitement. Alors il prit brusquement Thérèse entre ses bras, une nuit, au risque de passer sur le corps du noyé, et l'attira à lui avec violence. La jeune femme était poussée à bout, elle aussi. Elle se serait jetée dans la flamme, si elle eût pensé que la flamme purifia sa chair et la délivra de ses maux. Elle rendit à Laurent son étreinte, décidée à être brûlée par les caresses de cet homme ou à trouver en elle un soulagement. Et ils se serrèrent dans un embrassement horrible. La douleur et l'épouvante leur tinrent lieu de désir. Quand leurs membres se touchèrent, ils crurent qu'ils étaient tombés sur un brasier. Ils poussèrent un cri et se pressèrent davantage, afin de ne pas laisser entre leur chair de place pour le noyer. Et ils sentaient toujours des lambeaux de Camille, qui s'écrasaient ignoblement entre eux, glaçant leur peau par endroits, tandis que le reste de leur corps brûlait. Leurs baisers furent affreusement cruels. Thérèse chercha des lèvres la morsure de Camille sur le cou gonflé et roidi de Laurent, et elle y colla sa bouche avec emportement. Là était la plaie vive. Cette blessure guérie, les meurtriers dormiraient en paix. La jeune femme comprenait cela. Elle tentait de cautériser le mal sous le feu de ses caresses. Mais elle se brûla les lèvres. Et Laurent la repoussa violemment, en jetant une plainte sourde. Il lui semblait qu'on lui appliquait un fer rouge sur le cou. Thérèse, affolée, revint, voulut baiser encore la cicatrice. Elle éprouvait une volupté âcre à poser sa bouche sur cette peau où s'étaient enfoncées les dents de Camille. Un instant, elle eut la pensée de mordre son mari à cet endroit, d'arracher un large morceau de chair, de faire une nouvelle blessure, plus profonde, qui emporterait les marques de l'ancienne. Et elle se disait qu'elle ne pâlirait plus alors en voyant l'empreinte de ses propres dents. Mais Laurent défendait son cou contre ses baisers. Il éprouvait des cuissons trop dévorantes. Il la repoussa chaque fois qu'elle allongeait les lèvres. Ils luttèrent ainsi, râlant, se débattant dans l'horreur de leurs caresses. Il sentait bien qu'il ne faisait qu'augmenter leur souffrance. Ils avaient beau se briser dans des étreintes terribles. Ils criaient de douleur. Ils se brûlaient, ils se meurtrissaient. Mais ils ne pouvaient apaiser leurs nerfs épouvantés. Chaque embrassement ne donnait que plus d'acuité à leur dégoût. Tandis qu'ils échangeaient ces baisers affreux, ils étaient en proie à d'effrayantes hallucinations. Ils s'imaginaient que le noyé les tirait par les pieds et imprimait au lit de violentes secousses. Ils se lâchèrent un moment. Ils avaient des répugnances, des révoltes nerveuses invincibles. Puis ils ne voulurent pas être vaincus. Ils se reprirent dans une nouvelle étreinte et furent encore obligés de se lâcher, comme si des pointes rougies étaient entrées dans leurs membres. À plusieurs fois, ils tentèrent ainsi de triompher de leur dégoût, de tout oublier en lassant, en brisant leurs nerfs. Et chaque fois, leurs nerfs s'irritèrent et se tendirent, en leur causant des exaspérations telles qu'ils seraient peut-être morts d'énervement s'ils étaient restés dans les bras l'un de l'autre. Ce combat contre leur propre corps les avait exaltés jusqu'à la rage. Ils s'entêtaient, ils voulaient l'emporter. Enfin, une crise plus aiguë les brisa. Ils reçurent un choc d'une violence inouïe et crurent qu'ils allaient tomber du haut mal. Rejetés aux deux bords de la couche, brûlés et meurtris, ils se mirent à sangloter. Et dans leurs sanglots, il leur sembla entendre les rires de triomphe du noyé, qui se glissait de nouveau sous le drap avec des ricanements. Ils n'avaient pu le chasser du lit. Ils étaient vaincus. Camille s'étendit doucement entre eux, tandis que Laurent pleurait son impuissance et que Thérèse tremblait qu'il ne prît au cadavre la fantaisie de profiter de sa victoire pour la serrer à son tour entre ses bras pourris, en maître légitime. Ils avaient tenté un moyen suprême. Devant leur défaite, ils comprenaient que désormais, ils n'oseraient plus échanger le moindre baiser. La crise de l'amour fou qu'ils avaient essayé de déterminer pour tuer leur terreur venait de les plonger plus profondément dans l'épouvante. En sentant le froid du cadavre, qui maintenant devait les séparer à jamais, ils versaient des larmes de sang. Ils se demandaient avec angoisse ce qu'ils allaient devenir. Thérèse Raquin. Chapitre 24. ainsi que l'espérait le vieux Michaud en travaillant au mariage de Thérèse et de Laurent, les soirées du jeudi reprirent leur ancienne gaieté, dès le lendemain de la noce. Ces soirées avaient couru un grand péril lors de la mort de Camille. Les invités ne s'étaient plus présentés que craintivement dans cette maison en deuil. Chaque semaine, ils tremblaient de recevoir un congé définitif. La pensée que la porte de la boutique finirait sans doute par se fermer devant eux épouvantait Michaud et Grivet, qui tenaient à leurs habitudes avec l'instinct et l'entêtement des brutes. Ils se disaient que la vieille mère et la jeune veuve s'en iraient un beau matin pleurer leur défunt à Vernon ou ailleurs, et qu'ils se trouveraient ainsi sur le pavé le jeudi soir, ne sachant que faire. Ils se voyaient, dans le passage, errant d'une façon lamentable, rêvant à des parties de dominos gigantesques. En attendant ces mauvais jours, ils jouissaient timidement de leur dernier bonheur. Ils venaient d'un air inquiet et doucereux à la boutique, en se répétant chaque fois qu'ils n'y reviendraient peut-être plus. Pendant plus d'un an, ils eurent ces craintes. Ils n'osèrent s'étaler et rire en face des larmes de Madame Raquin et des silences de Thérèse. Ils ne se sentaient plus chez eux, comme au temps de Camille. Ils semblaient, pour ainsi dire, voler chaque soirée qu'ils passaient autour de la table de la salle à manger. C'est dans ces circonstances désespérées que l'égoïsme du vieux Michaud le poussa à faire un coup de maître en mariant la veuve du noyé. Le jeudi qui suivit le mariage, Grivet et Michaud firent une entrée triomphale. Ils avaient vaincu. La salle à manger leur appartenait de nouveau. Ils ne craignaient plus qu'on les en congédiât. Ils entrèrent en gens heureux, ils étalèrent, ils dirent à la fille leurs anciennes plaisanteries. À leur attitude béate et confiante, on voyait que pour eux, une révolution venait de s'accomplir. Le souvenir de Camille n'était plus là. Le mari mort, ce spectre qui les glaçait, avait été chassé par le mari vivant. Le passé ressuscitait avec ses joies. Laurent remplaçait Camille, toute raison de s'attrister disparaissait. Les invités pouvaient rire sans chagriner personne. Et même ils devaient rire pour égayer l'excellente famille qui voulait bien les recevoir. Dès lors, Grivet et Michaud, qui depuis près de 18 mois venaient sous prétexte de consoler Madame Raquin, purent mettre leur petite hypocrisie de côté et venir franchement pour s'endormir l'un en face de l'autre, au bruit sec des dominos. Et chaque semaine ramena un jeudi soir. Chaque semaine réunit une fois autour de la table ces têtes mortes et grotesques qui exaspéraient Thérèse jadis. La jeune femme parla de mettre ses gens à la porte. Ils l'irritaient avec leurs éclats de rire bêtes, avec leurs réflexions sottes. Mais Laurent lui fit comprendre qu'un pareil congé serait une faute. Il fallait autant que possible que le présent ressemblât au passé. Il fallait surtout conserver l'amitié de la police, de ces imbéciles qui les protégeaient contre tout soupçon. Thérèse plia. Les invités, bien reçus, virent avec béatitude s'étendre une longue suite de soirées tièdes devant eux. Ce fut vers cette époque que la vie des époux se dédoubla en quelque sorte. Le matin, lorsque le jour chassait les effrois de la nuit, Laurent s'habillait en toute hâte. Il n'était à son aise. Il ne reprenait son calme égoïste que dans la salle à manger, attablé devant un énorme bol de café au lait que lui préparait Thérèse. Madame Raquin, impotente, pouvant à peine descendre à la boutique, le regardait manger avec des sourires maternels. Il avalait du pain grillé, il s'emplissait l'estomac, il se rassurait peu à peu. Après le café, il buvait un petit verre de cognac. Cela le remettait complètement. Il disait « À ce soir, à Madame Raquin et à Thérèse », sans jamais les embrasser, puis il se rendait à son bureau en flânant. Le printemps venait. Les arbres des quais se couvraient de feuilles, d'une légère dentelle d'un vert pâle. En bas, la rivière coulait avec des bruits caressants. En haut, les rayons des premiers soleils avaient des tiédeurs douces. Laurent se sentait renaître dans l'air frais. Il respirait largement ces souffles de vie jeune qui descendent des cieux d'avril et de mai. Il cherchait le soleil, s'arrêtait pour regarder les reflets d'argent qui moiraient la Seine, écouter les bruits des quais, se laisser pénétrer par les senteurs âcres du matin, jouissait par tous ses sens de la matinée claire et heureuse. Certes, il ne songeait guère à Camille. Quelquefois, il lui arrivait de contempler machinalement la morgue de l'autre côté de l'eau. Il pensait alors au noyé en homme courageux qui penserait à une peur bête qu'il aurait eue. L'estomac plein, le visage rafraîchi, il retrouvait sa tranquillité épaisse. Il arrivait à son bureau et y passait la journée entière à bâiller, à attendre l'heure de la sortie. Il n'était plus qu'un employé comme les autres, abruti et ennuyé, ayant la tête vide. La seule idée qu'il eut alors était l'idée de donner sa démission et de louer un atelier. Il rêvait vaguement une nouvelle existence de paresse, et cela suffisait pour l'occuper jusqu'au soir. Jamais le souvenir de la boutique du passage ne venait le troubler. Le soir, après avoir désiré l'heure de la sortie depuis le matin, il sortait avec regret. Il reprenait les quais sourdement troublés et inquiets. Il avait beau marcher lentement, il lui fallait enfin rentrer à la boutique. Là, l'épouvante l'attendait. Thérèse éprouvait les mêmes sensations. Tandis que Laurent n'était pas auprès d'elle, elle se trouvait à l'aise. Elle avait congédié la femme de ménage, disant que tout traînait, que tout était sale dans la boutique et dans l'appartement. Des idées d'ordre lui venaient. La vérité était qu'elle avait besoin de marcher, d'agir, de briser ses membres roidis. Elle tournait toute la matinée, balayant, époussetant, nettoyant les chambres, lavant la vaisselle, faisant des besognes qu'il aurait écœurées autrefois. Jusqu'à midi, ses soins de ménage la tenaient sur les jambes, active et muette, sans lui laisser le temps de songer à autre chose qu'aux toiles d'araignées qui pendaient du plafond et que la graisse qui salissait les assiettes. Alors elle se mettait en cuisine. Elle préparait le déjeuner. À table, Madame Raquin se désolait de la voir toujours se lever pour aller prendre les plats. Elle était émue et fâchée de l'activité que déployait sa nièce. Elle la grondait et Thérèse répondait qu'il fallait faire des économies. Après le repas, la jeune femme s'habillait et se décidait enfin à rejoindre sa tante derrière le comptoir. Là, des somnolences la prenaient. Brisée par les veilles, elle sommeillait. Elle cédait à l'engourdissement voluptueux qui s'emparait d'elle dès qu'elle était assise. Ce n'était que des légers assoupissements, pleins d'un charme vague qui calmait ses nerfs. La pensée de Camille s'en allait. Elle goûtait ce repos profond des malades que leur douleur quitte tout d'un coup. Elle se sentait la chair assoupie, l'esprit libre. Elle s'enfonçait dans une sorte de néant tiède et réparateur. Sans ces quelques moments de calme, son organisme aurait éclaté sous la tension de son système nerveux. Elle y puisait les forces nécessaires pour souffrir encore et s'épouvanter la nuit suivante. D'ailleurs, elle ne s'endormait point. Elle baissait à peine les paupières, perdue au fond d'un rêve de paix. Lorsqu'une cliente entrait, elle ouvrait les yeux. Elle servait les quelques sous de marchandises demandées, puis est retombée dans sa rêverie flottante. Elle passait ainsi 3 ou 4 heures, parfaitement heureuse, répondant par monosyllabes à sa tante, se laissant aller avec une véritable jouissance aux évanouissements qui lui ôtaient la pensée et qui la fessaient sur elle-même. Elle jetait à peine, de loin en loin, un coup d'œil dans le passage, se trouvant surtout à l'aise par les temps gris, lorsqu'il faisait noir et qu'elle cachait sa lassitude au fond de l'ombre. Le passage humide, ignoble, traversé par un peuple de pauvres diables mouillés, dont les parapluies s'égouttaient sur les dalles, lui semblait l'allée d'un mauvais lieu. Une sorte de corridor sale et sinistre, où personne ne viendrait la chercher et la troubler. Par moments, en voyant les lueurs terreuses qui traînaient autour d'elle, en sentant l'odeur âcre de l'humidité, elle s'imaginait qu'elle venait d'être enterrée vive. Elle croyait se trouver dans la terre, au fond d'une fosse commune où grouillaient des morts. Et cette pensée la consolait, l'apaisait. Elle se disait qu'elle était en sûreté maintenant, qu'elle allait mourir, qu'elle ne souffrirait plus. D'autres fois, il lui fallait tenir les yeux ouverts. Suzanne lui rendait visite et restait à broder auprès du comptoir toute l'après-midi. La femme d'Olivier, avec son visage mou, avec ses gestes lents, plaisait maintenant à Thérèse, qui éprouvait un étrange soulagement à regarder cette pauvre créature toute dissoute. Elle en avait fait son amie. Elle aimait à la voir à son côté, souriant d'un sourire pâle, vivant à demi, mettant dans la boutique une fade senteur de cimetière. Quand les yeux bleus de Suzanne, d'une transparence vitreuse, se fixaient sur les siens, elle éprouvait au fond de ses os un froid bienfaisant. Thérèse attendait ainsi 4 heures. À ce moment, elle se remettait en cuisine. Elle cherchait de nouveau la fatigue. Elle préparait le dîner de Laurent avec une hâte fébrile. Et quand son mari paraissait sur le seuil de la porte, sa gorge se serrait. L'angoisse tordait de nouveau tout son être. Chaque jour, les sensations des époux étaient à peu près les mêmes. Pendant la journée, lorsqu'ils ne se trouvaient pas face à face, ils goûtaient des heures délicieuses de repos. Le soir, dès qu'ils étaient réunis, un malaise poignant les envahissait. C'était d'ailleurs de calmes soirées. Thérèse et Laurent, qui frissonnaient à la pensée de rentrer dans leur chambre, faisaient durer la veillée le plus longtemps possible. Madame Raquin, à demi couchée au fond d'une large fauteuil, était placée entre eux et causait de sa voix placide. Elle parlait de Vernon, pensant toujours à son fils, mais évitant de le nommer par une sorte de pudeur. Elle souriait à ses chers enfants. Elle faisait pour eux des projets d'avenir. La lampe jetait sur sa face blanche des lueurs pâles. Ses paroles prenaient une douceur extraordinaire dans l'air mort et silencieux. Et à ses côtés, les deux meurtriers, muets, immobiles, semblaient l'écouter avec recueillement. À la vérité, il ne cherchait pas à suivre le sens des bavardages de la bonne vieille. Ils étaient simplement heureux de ce bruit de paroles douces qui les empêchait d'entendre l'éclat de leurs pensées. Ils n'osaient se regarder. Ils regardaient Madame Raquin pour avoir une contenance. Jamais ils ne parlaient de se coucher. Ils seraient restés là jusqu'au matin dans le radotage caressant de l'ancienne mercière, dans l'apaisement qu'elle mettait autour d'elle, si elle n'avait pas témoigné elle-même le désir de gagner son lit. Alors seulement ils quittaient la salle à manger et rentraient chez eux avec désespoir, comme on se jette au fond d'un gouffre. À ces soirées intimes, ils préférèrent bientôt de beaucoup les soirées du jeudi. Quand ils étaient seuls avec Madame Raquin, ils ne pouvaient s'étourdir. Le mince filet de voix de leur tante, sa gaieté attendrie n'étouffait pas les cris qui les déchiraient. Ils sentaient venir l'heure du coucher. Ils frémissaient lorsque, par hasard, ils rencontraient du regard la porte de leur chambre. L'attente de l'instant où ils seraient seuls devenait de plus en plus cruelle à mesure que la soirée avançait. Le jeudi, au contraire, ils se grisaient de sottises. Ils oubliaient mutuellement leur présence. Ils souffraient moins. Thérèse, elle-même, finit par souhaiter ardemment les jours de réception. Si Michaud et Grivet n'étaient pas venus, elle serait allée les chercher. Lorsqu'il y avait des étrangers dans la salle à manger, entre elle et Laurent, elle se sentait plus calme. Elle aurait voulu qu'il y eût toujours là des invités. Du bruit, quelque chose qui l'étourdit et l'isola. Devant le monde, elle montrait une sorte de gaieté nerveuse. Laurent retrouvait lui aussi ses grosses plaisanteries de paysan, ses rires gras, ses farces d'anciens rapins. Jamais les réceptions n'avaient été si gaies ni si bruyantes. C'est ainsi qu'une fois par semaine, Laurent et Thérèse pouvaient rester face à face sans frissonner. Bientôt, une crainte les prit. La paralysie gagnait peu à peu Madame Raquin, et ils prévirent le jour où elle serait clouée dans son fauteuil, impotente et hébétée. La pauvre femme commençait à balbutier des lambeaux de phrases qui se cousaient mal les uns aux autres. Sa voix faiblissait. Ses membres se mouraient un à un. Elle devenait une chose. Thérèse et Laurent voyaient avec effroi s'en aller cet être qui les séparait encore et dont la voix les tirait de leurs mauvais rêves. Quand l'intelligence aurait abandonné l'ancienne mercière et qu'elle resterait muette et roidie au fond de son fauteuil, il se retrouverait seul. Le soir, il ne pourrait plus échapper à un tête-à-tête redoutable. Alors leur épouvante commencerait à 6 heures, au lieu de commencer à minuit. Ils en deviendraient fous. Tous leurs efforts tendirent à conserver Madame Raquin une santé qui leur était si précieuse. Ils firent venir des médecins. Ils furent aux petits soins auprès d'elle. Ils trouvèrent même dans ce métier de garde malade un oubli, un apaisement qui les engagea à redoubler de zèle. Ils ne voulaient pas perdre un tiers qui leur rendait ces soirées supportables. Ils ne voulaient pas que la salle à manger, que la maison tout entière devint un lieu cruel et sinistre comme leur chambre. Madame Raquin fut singulièrement touchée des soins empressés qu'il lui prodiguait. Elle s'applaudissait avec des larmes de les avoir unis et de les avoir abandonnés ses 40 et quelques 1000 francs. Jamais, après la mort de son fils, elle n'avait compté sur une pareille affection à ses dernières heures. Sa vieillesse était tout attiédie par la tendresse de ses chers enfants. Elle ne sentait pas la paralysie implacable qui, malgré tout, la raidissait davantage chaque jour. Cependant, Thérèse et Laurent menaient leur double existence. Il y avait en chacun d'eux comme 2 êtres bien distincts. Un être nerveux et épouvanté qui frissonnait dès que tombait le crépuscule, et un être engourdi et oublieux, qui respirait à l'aise dès que se levait le soleil. Il vivait de vie, il criait d'angoisse, seul à seul, et il souriait paisiblement lorsqu'il y avait du monde. Jamais leur visage, en public, ne laissait deviner les souffrances qui venaient de les déchirer dans l'intimité. Ils paraissaient calmes et heureux. Ils cachaient instinctivement leurs maux. Personne n'aurait soupçonné, à les voir si tranquilles pendant le jour, que des hallucinations les torturaient chaque nuit. On les eût pris pour un ménage béni du ciel, vivant en pleine félicité. Grivet les appelait galamment les tourtereaux. Lorsque leurs yeux étaient cernés par des veilles prolongées, ils les plaisantaient. Ils demandaient à quand le baptême. Et toute la société riait. Laurent et Thérèse pâlissaient à peine, parvenaient à sourire. Ils s'habituaient aux plaisanteries risquées du vieil employé. Tant qu'ils se trouvaient dans la salle à manger, ils étaient maîtres de leur terreur. L'esprit ne pouvait deviner l'effroyable changement qui se produisait en eux lorsqu'ils s'enfermaient dans la chambre à coucher. Le jeudi soir surtout, ce changement était d'une brutalité si violente qu'il semblait s'accomplir dans un monde surnaturel. Le drame de leur nuit, par son étrangeté, par ses emportements sauvages, dépassait toute croyance et restait profondément caché au fond de leur être endolori. Ils auraient parlé qu'on les eût crus fous. « Sont-ils heureux, ces amoureux-là ? » disait souvent le vieux Michaud. « Ils ne causent guère, mais ils n'en pensent pas moins. Je parie qu'ils se dévorent de caresses quand nous ne sommes plus là. » Telle était l'opinion de toute la société. Il arriva que Thérèse et Laurent furent donnés comme un ménage modèle. Le passage du Pont-Neuf entier célébrait l'affection, le bonheur tranquille, la lune de miel éternelle des deux époux. Eux seuls savaient que le cadavre de Camille couchait entre eux. Eux seuls sentaient, sous la chair calme de leur visage, les contractions nerveuses qui, la nuit, tiraient horriblement leurs traits et changer l'expression placide de leur physionomie en un masque ignoble et douloureux. Thérèse Raquin. Chapitre 25. Au bout de 4 mois, Laurent songea à retirer les bénéfices qu'il s'était promis de son mariage. Il aurait abandonné sa femme et se serait enfui devant le spectre de Camille 3 jours après la noce, si son intérêt ne l'eût pas cloué dans la boutique du passage. Il acceptait ses nuits de terreur. Il restait au milieu des angoisses qui l'étouffaient, pour ne pas perdre les profits de son crime. En quittant Thérèse, il retombait dans la misère. Il était forcé de conserver son emploi. En demeurant auprès d'elle, il pouvait au contraire contenter ses appétits de paresse, vivre grassement, sans rien faire, sur les rentes que Madame Raquin avait mises au nom de sa femme. Il est à croire qu'il se serait sauvé avec les 40 000 francs, s'il avait pu les réaliser. Mais la vieille mercière, conseillée par Michaud, avait eu la prudence de sauvegarder dans le contrat les intérêts de sa nièce. Laurent se trouvait ainsi attaché à Thérèse par un lien puissant. En dédommagement de ses nuits atroces, il voulut au moins se faire entretenir dans une oisiveté heureuse, bien nourri, chaudement vêtu, ayant en poche l'argent nécessaire pour contenter ses caprices. À ce prix seul, il consentait à coucher avec le cadavre du noyé. Un soir, Il annonça à Madame Raquin et à sa femme qu'il avait donné sa démission et qu'il quitterait son bureau à la fin de la quinzaine. Thérèse eut un geste d'inquiétude. Il se hâta d'ajouter qu'il allait louer un petit atelier où il se remettrait à faire de la peinture. Il s'étendit longuement sur les ennuis de son emploi, sur les larges horizons que l'art lui ouvrait. Maintenant qu'il avait quelques sous et qu'il pouvait tenter le succès, il voulait voir s'il n'était pas capable de grandes choses. La tirade qu'il déclama à ce propos cachait simplement une féroce envie de reprendre son ancienne vie d'atelier. Thérèse, les lèvres pincées, ne répondit pas. Elle n'entendait point que Laurent lui dépensât la petite fortune qui assurait sa liberté. Lorsque son mari la pressa de questions pour obtenir son consentement, elle fit quelques réponses sèches. Elle lui donna à comprendre que s'il quittait son bureau, il ne gagnerait plus rien et serait complètement à sa charge. Tandis qu'elle parlait, Laurent la regardait d'une façon aiguë qui la troubla et arrêta dans sa gorge le refus qu'elle allait formuler. Elle crut lire dans les yeux de son complice cette pensée menaçante « Je dis tout si tu ne consens pas ». Elle se mit à balbutier. Madame Raquin s'écria alors que le désir de son cher fils était trop juste et qu'il fallait lui donner les moyens de devenir un homme de talent. La bonne dame gâtait Laurent comme elle avait gâté Camille. Elle était toute amolie par les caresses que lui prodiguait le jeune homme. Elle lui appartenait et se rangeait toujours à son avis. Il fut donc décidé que l'artiste louerait un atelier et qu'il toucherait 100 francs par mois pour les divers frais qu'il aurait à faire. Le budget de la famille fut ainsi réglé. Les bénéfices réalisés dans le commerce de mercerie payeraient le loyer de la boutique et de l'appartement et suffiraient presque aux dépenses journalières du ménage. Laurent prendrait le loyer de son atelier et ses 100 francs par mois sur les 2000 et quelques 100 francs de rente. Le reste de ses rentes serait appliqué aux besoins communs. De cette façon, on n'entamerait pas le capital. Thérèse se tranquillisa un peu. Elle fit jurer à son mari de ne jamais dépasser la somme qui lui était allouée. D'ailleurs, elle se disait que Laurent ne pouvait s'emparer des 40 000 francs sans avoir sa signature. Et elle se promettait bien de ne signer aucun papier. Dès le lendemain, Laurent loua, vers le bas de la rue Mazarine, un petit atelier qu'il convoitait depuis un mois. Il ne voulait pas quitter son emploi sans avoir un refuge pour passer tranquillement ses journées, loin de Thérèse. Au bout de la quinzaine, il fit ses adieux à ses collègues. Grivet fut stupéfait de son départ. « Un jeune homme, disait-il, qui avait devant lui un si bel avenir. Un jeune homme qui en était arrivé en 4 années au chiffre d'appointement que lui, Grivet, avait mis 20 ans à atteindre. Laurent le stupéfia encore davantage en lui disant qu'il allait se remettre tout entier à la peinture. Enfin, l'artiste s'installa dans son atelier. Cet atelier était une sorte de grenier carré, long et large d'environ 5 ou 6 mètres. Le plafond s'inclinait brusquement, en pente raide, percé d'une large fenêtre qui laissait tomber une lumière blanche et crue sur le plancher et sur les murs noirâtres. Les bruits de la rue ne montaient pas jusqu'à ses hauteurs. La pièce, silencieuse, blafarde, s'ouvrant en haut sur le ciel, ressemblait à un trou, à un caveau creusé dans une argile grise. Laurent meubla ce caveau tant bien que mal. Il y apporta deux chaises dépaillées, une table qu'il appuya contre un mur pour qu'elle ne se laissât pas glisser à terre, un vieux buffet de cuisine, sa boîte à couleurs et son ancien chevalet. Tout le luxe du lieu consista en un vaste divan qu'il acheta 30 francs chez un brocanteur. Il resta 15 jours sans songer seulement à toucher à ses pinceaux. Il arrivait entre 8 et 9 heures, fumait, se couchait sur le divan, attendait midi, heureux d'être au matin et d'avoir encore devant lui de longues heures de jour. À midi, il allait déjeuner, puis il se hâtait de revenir pour être seul, pour ne plus voir le visage pâle de Thérèse. Alors il digérait, il dormait, il se vautrait jusqu'au soir. Son atelier était un lieu de paix où il ne tremblait pas. Un jour, sa femme lui demanda à visiter son cher refuge. Il le refusa. Et comme, malgré son refus, elle vint frapper à sa porte, il n'ouvrit pas. Il lui dit le soir qu'il avait passé la journée au musée du Louvre. Il craignait que Thérèse n'introduisît avec elle le spectre de Camille. L'oisiveté finit par lui peser. Il acheta une toile et des couleurs. Il se mit à l'œuvre. N'ayant pas assez d'argent pour payer des modèles, il résolut de peindre au gré de sa fantaisie, sans se soucier de la nature. Il entreprit une tête d'homme. D'ailleurs, il ne se cloîtra plus autant. Il travailla pendant 2 ou 3 heures chaque matin, et employa ses après-midi à flâner ici et là, dans Paris et dans la banlieue. Ce fut en rentrant d'une de ses longues promenades qu'il rencontra, devant l'Institut, son ancien ami de collège, qui avait obtenu un joli succès de camaraderie au dernier salon. « Comment, c'est toi ?» s'écria le peintre. « Ah, mon pauvre Laurent ! Je ne t'aurais jamais reconnu. Tu as maigri. » « Je me suis marié, » répondit Laurent d'un ton embarrassé. « Marié, toi ? Ça ne m'étonne plus de te voir tout drôle. Et que fais-tu maintenant ? » ?»« J'ai loué un petit atelier. Je peins un peu le matin. » Laurent conta son mariage en quelques mots. Puis il exposa ses projets d'avenir d'une voix fiévreuse. Son ami le regardait d'un air étonné qui le troublait et l'inquiétait. La vérité était que le peintre ne retrouvait pas dans le mari de Thérèse le garçon épais et commun qu'il avait connu autrefois. Il lui semblait que Laurent prenait des allures distinguées. Le visage s'était aminci et avait des pâleurs de bon goût. Le corps entier se tenait plus digne et plus souple. « Mais tu deviens joli garçon !» ne put s'empêcher de s'écrier l'artiste. « Tu as une tenue d'ambassadeur. C'est du dernier chic. À quelle école es-tu donc ?» L'examen qu'il subissait pesait beaucoup à Laurent. Il n'osait s'éloigner d'une façon brusque. « Veux-tu monter un instant à mon atelier ? » demanda-t-il enfin à son ami, qui ne le quittait pas. « Volontiers, » répondit celui-ci. Le peintre, ne se rendant pas compte des changements qu'il observait, était désireux de visiter l'atelier de son ancien camarade. Certes, il ne montait pas 5 étages pour voir les nouvelles œuvres de Laurent qui allaient sûrement lui donner des nausées. Il avait la seule envie de contenter sa curiosité. Quand il fut monté et qu'il eut jeté un coup d'œil sur les toiles accrochées au mur, son étonnement redoubla. Il y avait là 5 études, 2 têtes de femmes et 3 têtes d'hommes, peintes avec une véritable énergie. L'allure en était grasse et solide. Chaque morceau s'enlevait par taches magnifiques sur les fonds d'un gris clair. L'artiste s'approcha vivement et, stupéfait, ne cherchant même pas à cacher sa surprise. « C'est toi qui as fait cela ?» demanda-t-il à Laurent. « Oui, répondit celui-ci. « Ce sont des esquisses qui me serviront pour un grand tableau que je prépare. »« Voyons, pas de blague. Tu es vraiment l'auteur de ces machines-là ?»« Eh oui, pourquoi n'en serais-je pas l'auteur ?» Le peintre n'osa répondre. « Parce que ces toiles sont d'un artiste et que tu n'as jamais été qu'un ignoble maçon. » Il resta longtemps en silence devant les études. Certes, ces études étaient gauches, mais elles avaient une étrangeté, un caractère si puissant qu'elles annonçaient un sens artistique des plus développés. On eût dit de la peinture vécue. Jamais l'ami de Laurent n'avait vu des ébauches si pleines de hautes promesses. Quand il eut bien examiné l'étoile, il se tourna vers l'auteur. « Là, franchement, lui dit-il, je ne t'aurais pas cru capable de peindre ainsi. Où diable as-tu appris à avoir du talent ? Ça ne s'apprend pas d'ordinaire. » Et il considérait Laurent, dont la voix lui semblait plus douce, dont chaque geste avait une sorte d'élégance. Il ne pouvait deviner l'effroyable secousse qui avait changé cet homme en développant en lui des nerfs de femme, des sensations aiguës et délicates. Sans doute un phénomène étrange s'était accompli dans l'organisme du meurtrier de Camille. Il est difficile à l'analyse de pénétrer à de telles profondeurs. Laurent était peut-être devenu artiste, comme il était devenu peureux à la suite du grand détraquement qui avait bouleversé sa chair et son esprit. Auparavant, il étouffait sous le poids lourd de son sang. Il restait aveuglé par l'épaisse vapeur de santé qui l'entourait. Maintenant, maigri, frissonnant, il avait la verve inquiète. Les sensations vives et poignantes des tempéraments nerveux. Dans la vie de terreur qu'il menait, sa pensée délirait et montait jusqu'à l'extase du génie. La maladie en quelque sorte morale, la névrose dont tout son être était secoué, développait en lui un sens artistique d'une lucidité étrange. Depuis qu'il avait tué, sa chair s'était comme allégée, son cerveau éperdu lui semblait immense. Et dans ce brusque agrandissement de sa pensée, il voyait passer des créations exquises, des rêveries de poète. Et c'est ainsi que ses gestes avaient pris une distinction subite. C'est ainsi que ses œuvres étaient belles, rendues tout d'un coup personnelles et vivantes. Son ami n'essaya pas davantage de s'expliquer la naissance de cet artiste. Il s'en alla avec son étonnement. Avant de partir, il regarda encore l'étoile et dit à Laurent : Je n'ai qu'un reproche à te faire. C'est que toutes tes études ont un air de famille. Ces 5 têtes se ressemblent. Les femmes elles-mêmes prennent je ne sais quelle allure violente qui leur donne l'air d'homme déguisé. Tu comprends ? Si tu veux faire un tableau avec ces ébauches-là, il faudra changer quelques-unes des physionomies. Tes personnages ne peuvent pas être tous frères. Cela ferait rire. Il sortit de l'atelier et ajouta sur le carré en riant. Vrai, mon vieux. Ça me fait plaisir de t'avoir vu. Maintenant, je vais croire au miracle. Bon Dieu ! Es-tu comme il faut ? Il descendit. Laurent rentra dans l'atelier, vivement troublé. Lorsque son ami lui avait fait l'observation que toutes ses têtes d'études avaient un air de famille, il s'était brusquement tourné pour cacher sa pâleur. C'est que déjà cette ressemblance fatale l'avait frappé. Il revint lentement se placer devant l'étoile. À mesure qu'il les contemplait, qu'il passait de l'une à l'autre, une sueur glacée lui mouillait le dos. « Il a raison, » murmura-t-il, « ils se ressemblent tous, ils ressemblent à Camille. » Il se recula, il s'assit sur le divan, sans pouvoir détacher les yeux des têtes d'études. La première était une face de vieillard, avec une longue barbe blanche. Sous cette barbe blanche, l'artiste devinait le menton maigre de Camille. La seconde représentait une jeune fille blonde, et cette jeune fille le regardait avec les yeux bleus de sa victime. Les trois autres figures avaient chacune quelques traits du noyé. On eût dit Camille grimée en vieillard, en jeune fille, prenant le déguisement qu'il plaisait au peintre de lui donner, mais gardant toujours le caractère général de sa physionomie. Il existait une autre ressemblance terrible entre ces têtes, et elles paraissaient souffrantes et terrifiées. Elles étaient comme écrasées sous le même assentiment d'horreur. Chacune avait un léger pli à gauche de la bouche, qui tirait les lèvres et les faisait grimacer. Ce pli, que Laurent se rappela avoir vu sur la face convulsionnée du noyé, les frappait d'un signe d'ignoble parenté. Laurent comprit qu'il avait trop regardé Camille à la morgue. L'image du cadavre s'était gravée profondément en lui. Maintenant, sa main, sans qu'il en eût conscience, traçait toujours les lignes de ce visage atroce dont le souvenir le suivait partout. Peu à peu, le peintre, qui se renversait sur le divan, crut voir les figures s'animer. Et il eut cinq Camilles devant lui, cinq Camilles que ses propres doigts avaient puissamment créées, et qui, par une étrangeté effrayante, prenait tous les âges et tous les sexes. Il se leva, il lacéra l'étoile et les jeta dehors. Il se disait qu'il mourrait d'effroi dans son atelier, s'il le peuplait lui-même des portraits de sa victime. Une crainte venait de le prendre. Il redoutait de ne pouvoir plus dessiner une tête sans dessiner celle du noyé. Il voulut savoir tout de suite s'il était maître de sa main. Il posa une toile blanche sur son chevalet, puis, avec un bout de fusain, il indiqua une figure en quelques traits. La figure ressemblait à Camille. Laurent effaça brusquement cette esquisse et en tenta une autre. Pendant une heure, il se débattit contre la fatalité qui poussait ses doigts. À chaque nouvel essai, il revenait à la tête du noyé. Il avait beau tendre sa volonté, éviter les lignes qu'il connaissait si bien. Malgré lui, il traçait ses lignes, il obéissait à ses muscles, à ses nerfs révoltés. Il avait d'abord jeté les croquis rapidement. Il s'appliqua ensuite à conduire le fusain avec lenteur. Le résultat fut le même. Camille, grimaçant et douloureux, apparaissait sans cesse sur la toile. L'artiste esquissa successivement les têtes des plus diverses, des têtes d'anges, de vierges avec des auréoles, de guerriers romains coiffés de leurs casques, d'enfants blonds et roses, de vieux bandits couturés de cicatrices. Toujours, toujours le noyé renaissait, et il était tour à tour ange, vierge, guerrier, enfant et bandit. Alors Laurent se jeta dans la caricature. Il exagéra les traits, il fit des profils monstrueux, il inventa des têtes grotesques, et il ne réussit qu'à rendre plus horribles les portraits frappants de sa victime. Il finit par dessiner des animaux, des chiens et des chats. Les chiens et les chats ressemblaient vaguement à Camille. Une rage sourde s'était emparée de Laurent. Il creva la toile d'un coup de poing, en songeant avec désespoir à son grand tableau. Maintenant, il n'y fallait plus penser. Il sentait bien que désormais, il ne dessinerait plus que la tête de Camille. Et comme le lui avait dit son ami, des figures qui se ressembleraient toutes feraient rire. Il s'imaginait ce qu'aurait été son œuvre. Il voyait sur les épaules de ces personnages des hommes et des femmes, la face blafarde et épouvantée du noyé. L'étrange spectacle qu'il évoquait ainsi lui parut d'un ridicule atroce et l'exaspéra. Ainsi, il n'oserait plus travailler. Il redouterait toujours de ressusciter sa victime au moindre coup de pinceau. S'il voulait vivre paisiblement dans son atelier, il devrait ne jamais y peindre. Cette pensée que ses doigts avaient la faculté fatale et inconsciente de reproduire sans cesse le portrait de Camille lui fit regarder sa main avec terreur. Il lui semblait que cette main ne lui appartenait plus. Thank you.